Shema kibon ala me. On garde de notre passage. De flere voyelle qu'on sur le sable. Chemin de pommier jour, divin chemin.